LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour le boulot, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages. Demain, dernière étape, pâmée par la beauté ou le syndrome de Stendhal. Dans un instant, c'est le journal de 18h, mais tout de suite, le malheur des uns.